Elles veulent la place, mais ces folles ne sont pas sincères. Quand je suis pas là, dis-moi, tu penses à quoi? Te voir avec un autre, dis-moi, ça te ferait quoi? J'aime jouer avec tes nerfs, j'avoue. Te rendre malade, te mettre à bout. Toujours des ragots, mais ça fait que tu m'as tout dit. Ils cherchent la faille, mais ça reste que des sottises. Ça fait longtemps qu'ils parlent, mais je dois rester solide. Veulent rentrer dans ma vie, mais je dois rester lucide. Tu ne le vois même pas. Oh oui j'ai mal. Oh oui j'ai mal. Je t'avoue que je toquais. Pour toi je ferais tout. Dans ma tête c'est toi et puis c'est tout. Ton regard me perturbe tous les jours. J'aime quand tu m'enlaces, yeah. Tu aimes quand je whine doucement toute la night. Baby follow me, baby follow me. T'aimes quand je te dis que c'est flex entre nous. Pas d'intimidité. Sur moi, je suis ton barrière. Entre nous, babe, pas de gestes barrières. Le temps passe, je ne garde pas les jaloux. J'écoute pas les relous qui veulent nous voir à perdre. Toujours des ragots, mais ça va que tu m'as tout dit. Ils cherchent la faille, mais ça reste que des sottises. Longtemps qu'ils parlent, mais je dois rester solide. Tu veux rentrer dans ma vie, mais je dois rester lucide. Là, j'ai mal, mais je te le montrerai.